Chapitre 8e. Dénouement. Le prince de Chalais était assis dans son cachot, les membres chargés de chaînes, le corps brisé et maigri, mais le front haut, le visage vivement coloré par la fièvre et ranimé par l'énergie de la haine à la vue de Richelieu. Richelieu, debout devant lui, pâle, les bras pendants, les yeux baissés, semblait attendre l'arrêt du prince devant qui il osait paraître. Mais un air de froide résolution et des desseins fermement arrêtés perçaient en même temps sous cette humble attitude. Chalais eut encore un sourire sous les lèvres pour dire à celui qui lui rendait cette étrange visite. « Vous venez voir dans son état actuel ce que fut le prince de Chalais pour mesurer dans toute son étendue votre pouvoir de destruction. Vous vous trompez. Je n'ai prémédité ni désiré votre perte. Pour celui qui aspire à gouverner les hommes, un homme tué par lui est une entrave et non un succès. Pourquoi donc voulez-vous aujourd'hui mettre ce mort embarrassant devant vos pas? Ne m'accusez pas d'attenter à votre vie quand je viens vous offrir un moyen de la sauver. » « C'est un peu tard, » dit Henri en s'armant de courage contre la séduction. « Vous me croirez, prince, dans ce que je vais vous dire, car je n'emploierai d'autre moyen pour vous persuader que la franchise. Si au milieu des haines qui s'élèvent contre moi, vous avez conçu de vous-même le projet de m'assassiner à Limours, vous êtes mon ennemi déclaré et je dois laisser s'accomplir le jugement. Si vous avez été entraîné là par des personnes puissantes dans votre esprit, faites-moi la déclaration positive et n'ayant plus à vous craindre à l'avenir, j'obtiens votre grâce du roi. C'est une délation que vous me proposez et vous venez hardiment m'en faire la demande parce que vous avez entendu dire que le prince de Chalais avait un esprit faible, léger, irrésolu. Mais vous n'avez pas été assez bien informé, cardinal, car on a oublié de vous dire que son cœur était ferme, solide, dévoué, et qu'il ne trahirait jamais ses amis. Je ne voulais de vous qu'un aveu formel, pour avoir quelque moyen de vous sauver. Du reste, je n'ai rien à vous apprendre sur le sort de vos complices. Mes complices, s'écria Chalais, ce sont les sentiments naturels de justice et de loyauté, le respect pour l'antique noblesse, l'amour de la grandeur nationale, de la liberté. Vous connaissez bien peu les hommes d'aujourd'hui. Mieux que vous, peut-être, parce que j'en faisais partie. J'ai vu les campagnes où vous n'avez jamais pénétré. J'ai fréquenté les rangs de l'armée où vous n'avez paru qu'en général. Vous voulez régner par l'adresse de la manœuvre. Et l'élan seul appelle l'élan des âmes. Avec tout votre savoir, vous ne serez jamais l'homme du peuple. Vous ne serez que son maître. Une noble parole jetée par François Ier, un morceau de pain tendu aux Parisiens par Henri IV, ont appelé autour d'eux tout amour et toute renommée. La politique de Louis XI, la vôtre et celle de votre lignée en gouvernement, ne relieront jamais les hommes autour d'elle. L'intelligence reste seule dans sa triste grandeur. « Il paraît que c'est moi maintenant qui suis sur la sellette, » dit Richelieu, « et que c'est vous, prince, qui jugez. Les rôles ne sont pas autant intervertis qu'on pourrait le croire. Comment ? Oui, au milieu de votre haute puissance, vous êtes souvent plus opprimé que nous tous. C'est votre robe de prêtre qui vous accable, vous, qui vous tyrannise, et vous savez bien que vous ne pourriez condamner à pire supplice vos plus mortels ennemis. Dans cette cour toute de galanterie, vous ne pouvez jouer qu'un rôle austère. Quand l'amour est dans l'air, vous seul ne respirez pas. Chaque regard que vous voyez échanger, chaque baiser que vous supposez est un coup de poignard pour vous, et je veux bien le penser. C'est de cette souffrance continuelle qu'est faite votre cruauté. Vous poursuivez Buckingham comme favori de la reine. Vous me condamnez, moi, non comme conspirateur, mais comme amant de la duchesse de Chevreuse. On peut être votre victime, monsieur le cardinal, mais on n'est pas votre dupe. Voici monsieur le prince de Chalais, dit-il, qui, avec tout son mépris pour le rôle de délateur, vient de trahir les deux femmes les plus influentes de la cour et l'ambassadeur d'Angleterre. Moi, trahir la reine ? « Trahir Valentine ? » ?»« Permettez, monseigneur, puisque vous prétendez savoir si bien que j'ai eu des soupirs à étouffer, des pleurs d'amour à dévorer devant ces trésors défendus, devant ces beautés auxquelles il ne m'était pas permis d'aspirer, vous ne pouvez le tenir que d'elle-même. Ces confidences, ces plaintes n'ont pu venir que dans le courant d'autres plaintes contre mon ambition, mes systèmes politiques, ma tyrannie. Et puisque c'est dans le boudoir de ces femmes que vous avez appris à me haïr, c'est là que vous avez dû promettre de m'assassiner. C'est une accusation gratuite et infâme. À votre tour, vous savez bien que non. Avouez ce que je connais aussi bien que vous-même. Cela ne change rien au sort de vos complices et vous sauve la vie. Et qui vous dit, vrai Dieu, que je veuille la recevoir de vous ? La générosité du cardinal de Richelieu, chose bien pure, vraiment, et bien garantie, pour qu'on puisse s'y fier. Non, continuez votre œuvre de sang. C'est à vous surtout qu'elle sera fatale. Après avoir tué un homme jeune, noble, plein de vie et d'avenir, toute pudeur d'humanité sera perdue pour vous. Vous aurez pris l'effronterie du crime. Vous mettrez le meurtre dans vos moyens de succès. Chaque ennemi redoutable deviendra votre victime. Par une fatalité impitoyable, vous choisirez pour vos coups les hommes les plus illustres, les plus aimés de la France, les plus entourés de prestige, et le peuple vous haïra de tout l'amour qu'il avait pour eux. Vous servirez le roi dans tout son règne, et le roi ne fera rien que de vous craindre. Vous travaillerez toute votre vie pour la prospérité de la nation, et vous n'y trouverez que haine et clameur contre vous. L'histoire même aura peine à vous rendre justice, et ce ne sera que sur vos crimes que la postérité vous jugera. » Chalais, tout le temps qu'il prononça ces paroles, fixa son regard sur Richelieu de l'air d'un prophète qui révèle l'effrayant avenir, et lui enfonça son arrêt dans le cœur avec chaque regard. Puis le jeune prince, accablé aussi de violentes émotions, s'affaissa sur lui-même et enfonça sa tête dans ses mains. Quand il releva les yeux, Richelieu n'était plus là. Cependant, la duchesse de Chevreuse avait donc la froide cruauté de laisser périr un noble jeune homme qui s'était perdu pour elle. Elle refusait donc d'obtenir sa grâce en s'unissant à lui comme le roi l'exigeait. Elle sacrifiait une vie si précieuse à la satisfaction de ses égoïstes bonheurs, de sa liberté, de son amour pour Buckingham. Oh non, cette dureté, cette bassesse ne serait pas d'une femme. Le matin du 27 octobre, dans les dernières heures qui s'écoulent avant le supplice de Chalais, dans ce rapide laps de temps où il faut prendre l'irrévocable résolution, la duchesse de Chevreuse est seule dans sa chambre. Elle a voulu d'abord, par la prière, par tous les souvenirs de l'homme qui l'a tant aimée, appeler en aide autour d'elle, s'affermir dans son sacrifice. Mais au moment de sortir pour aller déclarer à Louis XIII qu'elle accepte ses conditions, elle tremble, elle faiblit, elle s'appuie contre la boiserie et ne peut faire un pas en aucun sens. Puis elle reprend courage. Elle sort de l'écrin qu'il renferme le portrait de Chalais, et prosternée à genoux, les mains jointes en adoration devant sa jeunesse, sa douce beauté, les touchantes vertus qui siègent sur ce front candide, les lueurs de noble courage qui jaillissent de ses yeux, elle lui jure de le sauver. Elle se lève vivement, elle sonne pour demander sa voiture, elle va partir. Mais le domestique qui entre lui remet une lettre. Elle fait signe qu'on la laisse seule, et se donne à elle-même encore un instant de trêve. La lettre de Buckingham est ainsi conçue. « Valentine, notre ambition ne peut pas longtemps tromper notre cœur. Si j'ai été séduit un moment par l'orgueil d'être l'amant de la reine de France, pardonne-moi, car je reviens à toi. Pour te posséder, je quitte la cour, où la colère d'Anne d'Autriche ne pourrait pas souffrir notre union. Je renonce à tout ce que je devais accomplir dans ce royaume et à la gloire qui pouvait en revenir. Je crois que tu me répondras par les mêmes sacrifices et je t'attends. Buckingham. » La duchesse regardait cette lettre avec des yeux avides, égarés. Elle suivait les traits de cette écriture adorée, et mille liens de tendresse saisissaient son cœur et l'enveloppaient dans tous les sens. Elle voyait le blason magnifique qui surmontait ce papier, et les armoiries les plus illustres d'Angleterre qui pendaient à ce cachet, et la fièvre de l'ambition circulait dans ses veines, dévorait tout son sang. Tant de bonheur lui était offert, et elle ne pouvait l'accepter. Elle ne l'accepterait pas. Un moment plus tôt, ou plus tard, elle aurait pu être la femme de Buckingham. Pour s'arracher à cette poignante séduction, elle se lève. Elle va elle-même prendre une mantille, et la jetant sur ses épaules, elle veut sortir de cette chambre. Mais ses yeux rencontrent encore la lettre de Buckingham, et elle tombe inanimée dans un fauteuil. De là, elle regarde fixement le mouvement de la pendule, ce balancier qui s'agite, cette aiguille qui marche, l'oppresse, la tue. Elle avance encore, cette aiguille terrible. Elle va approcher de midi, heure marquée pour le supplice, heure affreuse qui a vu tomber tant de têtes. Tout à coup, Valentine entend le son des cloches funèbres. C'est pour l'agonie qu'elle tinte. Il ne lui reste plus qu'une demi-heure. Elle veut s'élancer vers la porte, mais ses forces l'abandonnent. Elle tombe sans connaissance et son front, qui heurte le marbre du pavé reçoit une blessure qui rend par la perte du sang son évanouissement plus profond. Les heures qui passaient dans le cachot de chalet étaient trop douloureuses et trop saintes pour qu'on ose en soulever le voile. Ce ne sont plus de simples pleurs, de simples prières dans de pareils instants, mais des choses mystérieuses qui se disent entre Dieu et les mourants et qui sont un mystère sacré pour nous. Le moment solennel approchait. Le jeune prince, ranimé par le courage qui était dans son sang et la piété qui avait mise sa mère, s'occupait de rendre sa mort édifiante aux yeux de tous. Il avait reçu des vêtements plus dignes de lui pour la funèbre cérémonie. Il lissa pour la dernière fois ses beaux cheveux, purifia sa noble tête encore empreinte de tant de jeunesse et de beauté, couvrit son corps des riches tissus qu'il était habitué à porter, et sortit de là, aussi beau qu'il l'avait jamais été quand il charmait toute la cour, et de plus, empreint de cette divine majesté que donne l'approche de la mort. Dans les moments où il suspendait ses prières, il pensait à sa mère, et sans se l'avouer, il l'espérait encore. Il croyait voir, comme dans un sillon bleu du ciel, la grâce qu'elle pouvait encore obtenir du roi. Et comment aurait-il désespéré complètement lorsque tant de tendresse veillait sur lui? En effet, Madame de Chalais répandait tout ce qu'elle avait de larmes, de vie et de fortune aux pieds des juges de son fils. Descendante de l'antique maison de Montluc, célèbre par la pureté de sa foi politique, elle aussi fervente royaliste, elle est cependant allée se jeter aux genoux de Gaston, ennemi du roi, et l'implorer dans son malheur. Il lui a froidement répondu qu'il n'y pouvait rien. Pure et chaste jusqu'au mysticisme, elle a pleuré, prié, joint les mains devant la duchesse de Chevreuse, qui n'était à ses yeux qu'une courtisane blasonnée. Elle a écrit au roi des lettres si pleines du génie du cœur que l'histoire, qui a à peine assez d'espace sur ses tables pour les faits nationaux, a conservé quelques fragments des pages mouillées de pleurs de cette pauvre femme. Le prince de Chalais fit venir un de ses gardiens et demanda s'il ne pourrait rien apprendre de sa mère avant le départ de la prison. Il lui fut répondu que Madame de Chalais, à force de prières, avait en effet obtenu une grâce du roi. Le corps de son fils, au lieu d'être ignominieusement suspendu aux potences de la ville, lui serait remis afin d'être enterré par elle en terre sainte. Chalais remercia Dieu de cette miséricorde et pleura sur sa mère. Le funèbre cortège s'achemina vers la grande place publique de Nantes. Le condamné avait demandé à marcher jusque-là, afin que le peuple jugeât bien qu'il avait été constamment soutenu par un courage digne de la race dont il sortait. Mais la ville était déserte comme dans un jour néfaste. Le peuple, au lieu de faire de ce supplice une cruelle fête, témoignait son horreur par son absence. Tout était morne, silencieux, les rues tendues de deuil. Le jour d'octobre répandait à peine une pâle lueur. On entendait d'autres bruits que les cloches des églises qui tintaient pour les angoisses. Les corbeaux, effarés par ces sons, sortaient de leur retraite et tournoyaient dans l'air que leurs nuées d'ailes noires assombrissaient encore. Comme Chalais marchait entre le prêtre qui l'assistait et l'exécuteur des hautes œuvres, il jetait souvent les yeux sur l'homme de Dieu, dont le regard plein d'un divin enthousiasme soutenait son courage. Un instant, il sentit auprès de ses pieds le bas de la robe rouge de son second compagnon. Ses regards se portèrent sur cet être d'horreur. Frappé de la hauteur de sa taille, il l'envisagea. C'était l'homme qu'il avait aperçu en sortant de chez la duchesse de Chevreuse, qu'il avait rencontré en quittant un matin la maison de Gaston, où avait eu lieu le repas des conjurés, qui s'était retrouvé dans la prison pour lui servir de gardien, l'amant, enfin, qui se montra lui maintenant comme l'espion de Richelieu et le valet du bourreau, chargé ce jour-là de remplacer son maître. Ce fut pour lui la dernière vue de ce monde, le dernier objet qu'il laissa sur la terre dont la Providence voulait le détacher. Depuis cet instant, il ne vit plus que le ciel. Pendant cette marche funèbre, une autre personne était condamnée aussi à la torture et au supplice infligé au prince de Chalais. Madame de Chalais passait les heures d'agonie dans l'église des Cordeliers, où on lui avait permis d'enterrer le corps de son fils. Pendant la journée, rien ne troubla le silence de la nef profonde, parce que les restes de la victime devaient demeurer exposés sur la place publique tant que la clarté permettrait de les distinguer. La nuit descendit enfin sous l'immense voûte. C'était dans la partie la plus retirée de l'église, dans la chapelle des martyrs, que devait être enseveli le prince. Madame de Chalais était seule, étendu sur les marches de la balustrade de l'hôtel. Tout son corps était froid comme le marbre où il reposait. Devant elle était une dalle levée qu'elle avait fait desceller et qui laissait voir une fosse. Une lampe, placée à la tête de cette ouverture, en éclairait un peu l'affreuse cavité. Nul nom ne devait être tracé sur la pierre tumulaire quand elle se refermerait, et la tombe de Chalet ne serait reconnue que de sa mère pendant le peu de temps que celle-ci pourrait encore venir y pleurer. À la nuit tombée, le maître-autel s'éclaira de deux cierges et quelques pères cordeliers vinrent y chanter le requiem. Dans le fond mystérieux de cette longue nef, ces chants semblaient des voix d'un autre monde, celles des esprits immortels qui recevaient, avec des accents mélancoliques, l'âme du supplicié. Madame de Chalet attendait, frémissant au moindre bruit, tantôt prêtant l'oreille aux prières pour les agonisants et essayant d'y joindre les siennes, tantôt frissonnant de tout son corps à un regard jeté sur la fosse ouverte. Enfin, deux frères de l'ordre arrivèrent lentement dans l'église et se dirigèrent vers la chapelle. La pesanteur de leurs pas, dont chacun rendait un bruit sourd sous la voûte, annonçait qu'ils portaient un lourd fardeau. Madame de Chalet reçut le corps du jeune prince. Elle se précipita sur son cœur glacé, l'enlaça de ses étreintes, l'embrassa avec la fièvre du désespoir. Elle sentit alors son visage et son cou mouillé du sang qui coulait de ce corps mutilé. En embrassant une dernière fois la poitrine de son fils, elle y trouva le reliquaire qu'elle lui avait donné à son départ du Périgord, disant qu'il avait toujours protégé leur famille. Lorsque la duchesse de Chevreuse sortit de son évanouissement, des hommes d'armes l'entouraient. Elle était arrêtée par ordre du roi et fut conduite dans son château de Dampierre en Lorraine, où elle demeura prisonnière. Buckingham, dans les mêmes jours, quitta la France et rompit l'alliance avec ce pays où le choc des passions avait allumé la guerre entre les maîtres de la nation et lui. De nombreux combats eurent lieu, bien du sang coula, et bien des campagnes furent épuisées pour expier les rivalités amoureuses d'hommes puissants. Richelieu, cause première de tant de fléaux, n'en reçut aucune atteinte. Il n'en résulta pour lui qu'un plus grand intérêt de la part du roi, alarmé du danger qu'il avait couru par la conjuration. Ce fut à partir de ce moment qu'il eut une garde de mousquetaires attachée à sa personne et une ville pour place de sûreté. Ainsi s'achève La Duchesse de Chevreuse par Clémence Robert.